Avez-vous l'impression que le monde pourrait se passer de votre travail ? Ressentez-vous la profonde inutilité des tâches que vous accomplissez quotidiennement ? Avez-vous déjà pensé que vous seriez plus utile dans un hôpital, une salle de classe, un commerce ou une cuisine que dans un open space situé dans un quartier de bureau ? Passez-vous des heures sur Facebook, YouTube ou à envoyer des mails perso au travail ? Avez-vous déjà participé à un after work avec des gens dont les intitulés de job étaient absolument mystérieux ? Si vous avez répondu oui à plusieurs de ces questions, vous faites sans aucun doute possible partie de cette population qui occupe un boulot à la con, ou « bullshit job », comme le nomme l'anthropologue anglais David Graeber. We'll have to write it smaller. Here's one called Faith Alone. Please help me in welcoming Beirut. Thank you. Merci, Mère Sainte. Here's a song that I don't have a title for yet, as most of them don't. Thank you. crowd of homesick, folic grown children, you'll leave the lights. Your family may not wait to keep on breathing. Our parents rue the day they find us nearing. Oh, let them think as they may, for they song of EP called Carousels. Dans un article intitulé « À propos du phénomène des jobs à la con », David Graeber rappelle en introduction que le progrès technologique a toujours été vu comme l'horizon d'une libération du travail, mais que cet horizon s'est constamment éloigné à mesure que les progrès devenaient tangibles. En 1930, le célèbre économiste John Keynes estimait dans une fiction futuriste qu'on pourrait se contenter de travailler 15 heures par semaine un siècle plus tard et que d'ailleurs on s'ennuierait tellement que le principal problème collectif serait de répartir le travail. Thank you. time, hit by the fireside and the warm light of the love in her the Pourquoi ? Parce que notre système économique a été conçu pour stimuler la production quand le danger permanent était la pénurie. Les famines dues par exemple à de grandes sécheresses qu'on ne savait ni prévoir ni parer. Et il était admis que les rares fruits de la production fussent distribués à ceux qui avaient participé d'une façon ou d'une autre. Marie-Louise Dubois, l'économie distributive. Thank you. Cette distribution se fait par le salariat. Elle a été plus ou moins équitable tant que la production occupait environ les trois quarts de l'humanité. Quand de nouvelles techniques apparaissaient, on pouvait compter sur une nouvelle croissance pour résoudre les crises cycliques qui se manifestaient pendant la nécessaire adaptation de la main-d'œuvre. Marie-Louise Dubois, l'économie distributive. Mais au fur et à mesure que des techniques scientifiques se développaient, l'effort s'est porté de plus en plus vers la rationalisation de la production, sur la façon de produire de mieux en mieux, au moindre coût. Comme dans ce coût figurent les salaires, ceux-ci sont devenus une charge et l'économie était dévoyée. On a perdu de vue que son objectif est la satisfaction des besoins, à commencer par les plus vitaux. Un autre objectif est passé au premier plan, de plus en plus loin devant et jusqu'à s'y substituer, rentabiliser un capital. Marie-Louise Dubouin, l'économie distributive. Thank you. Même l'homme est devenu une ressource pour produire de l'argent. L'économie n'est pas organisée pour tenir compte des besoins insolvables. Alors, quand les besoins vitaux des clients solvables sont satisfaits, l'objectif de la production devient de pousser de plus en plus loin leur consommation. Pour les clients les plus riches, dont la fortune provient souvent du commerce de la drogue, on fabrique des produits d'un luxe insolent, et pour les autres, des gadgets vite démodés et des services qui ont souvent pour effet de saper leur autonomie. Le souci principal devient celui de pousser la vente et c'est ainsi que la dépense mondiale en publicité a dépassé 2600 milliards de francs. Chiffre qui est édifiant de comparer aux 240 milliards par an estimés nécessaires pour satisfaire les besoins essentiels en nourriture, en eau potable, en éducation, en santé et en infrastructures sanitaires de l'ensemble des pays en voie de développement. Marie-Louise Dubois, l'économie distributive. C'est donc bien cette façon de distribuer le pouvoir d'achat en motivant toutes les activités par l'argent qui est à repenser. La monnaie, conçue comme le moyen de faciliter l'échange différé entre production et consommation, est devenue la finalité de toute entreprise. Alors même qu'elle n'est plus qu'un symbole sans valeur propre. Car n'oublions pas, bien qu'on la présente encore comme un étalon de valeur, qu'elle a en fait perdu toute référence réelle. Sans nous étendre sur cette absurdité, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'elle a des conséquences extrêmement perverses dont l'évidence apparaît à l'opinion lorsqu'éclatent des affaires comme celle de la vache folle, du sang contaminé, de l'amiante, du dopage des sportifs, etc. On en est arrivé à vendre des organes humains, à calculer quel retour sur investissement on peut attendre de la culture. Concluons que la monnaie, telle qu'elle est, permet de détourner l'économie de son objectif. Organiser la production pour satisfaire les besoins humains. Marie-Louise Dubouin, l'économie distributive. Ce qui est quand même bien avec la chemise, c'est les boutons. Avec les boutons, les mecs en chemise, ils peuvent révéler leur personnalité ou leur état d'esprit du moment. Première solution, entièrement boutonnée. Soit je sors directement d'un clip de Sum 41, ou j'ai un problème sérieux avec les femmes. Et madame ? Et madame, t'es bonne ? Thank you. de boutons, je fais des études de marketing international of the world, je parle anglais et tu peux pas me tester. deux boutons col relevé. Je sais pas pourquoi, mais je me prends pour Julio Iglesias. Trois boutons, il fait carrément trop chaud. Tu peux ouvrir la fenêtre, s'il te plaît ? J'ai super chaud, je me sens pas très bien. Ou j'essaye discrètement de me donner un petit côté sexy, dans le but de séduire la femme. Excuse-moi, est-ce que tu veux danser la salsa, s'il te plaît ? Oui, parce que les mecs en chemise, y'a que eux qui dansent la salsa. Nous, en t-shirt, on est pas bien. Le premier vent d'insoumission provient des États-Unis en 1972. Les New York Dolls, les Stooges et les Flaming Groovies enthousiasment et convainquent par leur rock électrique des adolescents de plus en plus nombreux. Les futurs acteurs du punk rock français adhèrent complètement à cette vague, mais il est encore bien trop tôt pour tenter quelque chose. Même lorsque la vague glam de 73-74, emmenée par David Bowie et Mark Bolan, déferle dans les charts, peu de Français osent se lancer dans l'aventure. Malgré tout, les Frenchies et Blue Vamp s'essayent à cette nouvelle déclinaison. Épiphénomène qui donnera naissance à une poignée de disques, quelques apparitions remarquées et quantité de souvenirs. Certains pensent cependant qu'il y a peut-être une alternative au groupe pop français d'alors. Ange, Triangle, Alice, Martin Circus, Dynasty Crisis, Mahajoun, Zo ou encore Cruciferius font ce qu'ils peuvent. Mais ça n'a rien à voir avec le cri primal qui a de plus en plus de mal à rester intériorisé. Ils prônent tous la communion avec le public, alors que l'heure est à l'insurrection et au combat. La preuve, la vague pub rock va agir comme un détonateur. Dr. Feelgood revient à des ébats on ne peut plus simples. En les voyant, on renoue avec des riffs alors oubliés. Leur réputation va grandissant et donne un grand coup de pied au cul des ex-vedettes pop qui se satisfont dans la complaisance. Un certain Little Bob est l'un des premiers à quitter régulièrement son Havre natal pour partir s'enflammer les planches aux quatre coins du pays. Sa réputation s'étendra même jusqu'en Angleterre, puisque le label Chiswick le signe en 1977. Il est impossible d'évoquer le renouveau du rock français sans évoquer Little Bob. Son importance est primordiale. Il offre ses premières parties aux jeunes formations débutantes comme les Dogs. Mais sa musique reste du rhythm and blues et n'amène rien de réellement nouveau. Sa quête apparaît par contre plus que légitime. Il est en parfaite adéquation avec l'air du temps qui se penche de plus en plus sur un passé jusque-là ignoré. Seulement le punk rock se veut plus important que cela. Extrait de Nos années punk par Christian Eudlin. Yeah, the stone images are laid. Yeah, there is the foundation of a dead man's hand. Let's hope we have the courage to be able to face up to what we have to go through, knowing that at the end we shall be at peace and with our love. Oh, I fully realize when the time comes for me to be just out of death, it's going to cause great sadness to many people. It won't cause sadness to me, because as I've already observed, I believe death is just passing off from slice or higher, much better. From shadow into reality, from darkness into light, the gateway into the next phase. Death is a reality. Death is peace. Out of agony, falling asleep, waking up in the wonderful country. Death is wonderful. In death, one starts really to live. Death is a reality. aucun bouton, je commence vraiment à être torché, ou j'ai un sérieux problème avec les femmes, évolution. Enfin, la version manche courte, je travaille chez Quick et j'ai pas eu le temps de me changer. Bonjour. Sur place ou emporté? À emporter, ça marche. Daredevil, please play this infamously recorded order you get. Daredevil. All with Paul's fire and auto. Constantly. Give me a call at 898-6. Play this tape endlessly, constantly repeating me over and over and over when I'm dead. 176. Thank you. Ryan, please call Ryan Nelson in Columbus. I'm not sure if he's there yet. He left a message late last night for you to call. The message late last night for you to call. He left a message late last night for you to call. Brian, here again, old chap. You're never around, so I don't know what to do. And of course, if you're not the real one, don't pay attention to these messages, okay? Okay, I have some wonderful news for you, you know. And I have to get in contact with you. And by the way, Oui, j'ai une caisse invisible. Après, évidemment, tout ça, c'est des clichés, hein. Les mecs en chemise, ils sont pas tous comme ça. Il y en a même certains qui cachent plutôt bien leur jeu. Et normal, je me suis mis bien. Petite soirée, petit parfum, petite chaussure, petite flash et tout. Thank you. Mais je sais ce que les mecs en chemise ont tous derrière la tête. C'est que les chemises, ça plaît aux femmes. Les filles, elles aiment bien les mecs en chemise pour pouvoir porter la chemise le lendemain matin au petit-déj. Chouchou, je t'ai préparé des biscottes. C'est quoi ce délire? Nous, les mecs, on porte pas vos vêtements le matin. Je t'ai préparé des biscottes. Après, je suis pas forcément contre le port d'une petite chemise, hein. C'est pas quelque chose qui me débecte, je veux dire. Thank you. Punk est un état d'esprit, une manière d'appréhender la vie frontalement, avec réalisme, sans pessimisme forcé. Il permet de gueuler sa colère, de contredire, de critiquer, de s'exprimer et, très important, de créer. Le punk rock est une remise en question, un recul qu'on s'impose pour tenter de comprendre ce qui nous entoure. C'est un appel d'air frais dans un monde vicié. C'est croire en la possibilité, naïve et illusoire sans doute, que nous pouvons encore secouer le vieux monde. Le punk rock, c'est prendre ses désirs pour des réalités. that's, you know, the big city isn't around here. And once we do hear somebody shoot off a couple of guns in the distance, and somebody rattles some tin cans or something, and that's about all. So it's very quiet here in England. Woohoo! Look out! Here I come! Michael Jackson! Look what you've done! Michael Jackson? You spattered mud all over my dress with your old bicycle. Paul McCartney and Michael Jackson? Gee, Carol, tell some mud saints will never wash out. Bruce Springsteen? Oh, gee, what am I going to do? Van Halen? Oh, I'm sorry, Carol, you were too close. Tina Turner? Sorry, what good does that do? David Bowie? You know you aren't supposed to be riding your bike during lunch hour. Miss Madonna? Huey Lewis and the News, The Cars, Herbie Hancock, Bonnie Tyler, ZZ Top, Weird Al Yankovic, Cindy Lauper, Pink Floyd, The Pretenders, Billy Joel, Billy Idol, Elton John, Neil Young, Sheena Easton, John Lennon, The Alan Parsons Project, Rick Springfield, The Rolling Stones, Pat Benatar, Paul and Oates, The Adam Ant, Queen, Jagger, Mellencamp, Fleetwood Mac, Duran Duran, Police, Eurythmics, Culture Club, including Boy George, Kenny Rogers, Stevie Wonder, Jay Oasis, Diana Ross, Donna Summer, Dean Martin, Kiss, and it was especially called The Judgment of Sour, and the destroying of rock music records specifically against children, and it worked specifically through these individuals. For whom we call forth the judgment of the sacred fire in this hour before the throne of Almighty God. Si le punk rock réfute la notion de rockstar ou d'idole, il a néanmoins besoin de repères, de héros, de références, de personnages phares qui déclencheront la réflexion et influenceront notre façon d'être. Pour beaucoup d'entre nous, moi y compris, Djello Biafra jouait ce rôle à une époque où mon cerveau cherchait des réponses à 1000 questions existentielles. Car si l'œuvre des Dead Kennedys, figure emblématique du punk hardcore des années 1980 et groupe définitivement unique, sincèrement, avez-vous déjà dit d'un nouveau groupe qu'il sonnait comme eux ? A bel et bien envoûté ma jeunesse, ce sont les textes et le charisme de Biafra qui m'ont poussé à être ce que je suis aujourd'hui. Thank you. Pour moi, Biafra est bien plus que le chanteur des Dead Kennedys. Il est la clé, ou plutôt un passe-partout, d'un monde nouveau. Avec lui, il n'est pas seulement question de gueuler des slogans rageurs ou de geindre sur tel ou tel problème. Il ne s'agit plus de déballer des utopies politiques ou de dépeindre des horreurs. En jetant à la figure des faits réels, éclairés et référencés, parfois cryptiques et souvent sarcastiques, la prose de Biafra oblige à s'investir pleinement. Adhérer à Biafra, notamment à travers sa musique, c'est s'intéresser à la politique internationale, aux conflits et aux classes sociales du monde entier. Amsterdam, c'est l'Amsterdam qui est le plus grand avec 100 000 habitants. Apprécier une chanson de Biafra, c'est lire un quotidien pour en savoir plus, ouvrir un dictionnaire pour comprendre, se forcer à trouver d'autres sources d'informations. C'est affûter son cerveau en même temps que la musique secouant notre corps. Le punk rock, devenu plus qu'un simple défouloir bruyant, donne une possibilité de voir le monde différemment, et ainsi, quelque part, de choisir sa vie. Thank you.